Und Herbert sagt, wir haben einen Packer. Oh nein. Amen. Der Vater dann lebt forever. Der Papa, der für immer lebt. Der Berg hier, wie pour toujours. Ein Vater, der auch unser Freund ist. Ein Père qui aussi notre ami. You know, you can have a father and that father is not your friend. Du kannst einen Vater haben, aber dieser Vater ist nicht dein Freund. Tu peux avoir un père, mais ce père-là n'est jamais ton un ami à toi. You can also have a mother and that mother is not your friend. Du kannst auch eine Mutter haben und diese Mutter ist nicht mal deine Freundin, sie ist sogar deine Feindin. Tu peux avoir une mère, mais cette mère n'est jamais ton ami, elle est même ton une ennemie à toi. Our brothers and sisters, or even children. Oder Geschwister oder Freunde. Des amis, des frères, des enfants, même tes frères et sœurs, ils peuvent être aussi des ennemis. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus called us his friends. Jesus nennt uns seine Freunde. Mais Jésus-Christ, lui, il nous appelle ses amis. Praise the Lord. Hallelujah. You know, two cannot work together except they are one. Zwei können nicht zusammengehen, es sei denn, sie sind eins. Parce que vous devrez savoir que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble seulement s'ils sont un. Ils peuvent marcher ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Today we go into heavenly life. Heute gehen wir sprechen über das himmlische Leben. Das himmlische Leben. Aujourd'hui on va parler notre message, ça sera la vie céleste. Amen. Amen. Heavenly life and not religious life. Das himmlische Leben und nicht das religiöse Leben. La vie céleste et pas la vie religieuse. Jesus did not come for a religious life. Jesus kam nicht für ein religiöses Leben. Jésus-Christ n'est pas venu pour la vie pour une vie religieuse. I don't have a religion. Ich habe keine Religion. Moi, j'ai pas de religion. I have Christ. Ich habe Jesus Christus. Moi, j'ai le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when I say it in places, the people they say, what? It confuses them. Yeah, it must confuse you. Wenn ich das Leuten sage, besonders fremden Leuten, dann verwirrt sie das. Und es muss dich auch verwirren. Es hat dich zu verwirren. Quand je dis ça à quelqu'un qui, une personne dehors, quelqu'un me dit, des gens sont vraiment très confus. Ils se disent, mais de quoi tu parles? Jésus le christianisme et la religion, c'est pas la même chose. You know, once you just talk about Jesus, people go to, they want to go, you know, talk about Jesus, they want to go to, you know, Pope, Catholic, all this religion, you know. You know, they don't know anything about Christ Jesus. Wenn du Leuten über Jesus Christus erzählst, denken sie, ach so, ich weiß, was du meinst, und versuchen es mit der katholischen Kirche, dem Papst zu verbinden, aber sie kennen Jesus Christus nicht. Moi, quand tu parles à quelqu'un de Jésus-Christ, eux directement, ils pensent au pape ou bien à l'église catholique ou bien les histoires religieuses. C'est là où ils sont en train déjà à penser. I have to help them to understand that I'm not talking about religion. I'm talking about a person. Ich muss ihnen helfen zu verstehen, dass ich nicht über Religion spreche, sondern über eine Person. Et quand moi je parle de Jésus-Christ, je dois toujours aider aux gens de comprendre que je ne parle pas d'une religion, je parle d'une personne. Amen. Having religion is not having Christ. Religion zu haben bedeutet nicht Christus zu haben. Parce que avoir la religion, ça signifie pas que tu as Jésus-Christ. Christ is the salvation. It's your savior and not religion. Christus ist unser Retter, er ist die Errettung und nicht Religion. Jésus-Christ, il est ton sauveur, il t'a sauvé, il est ton salut et il n'est pas une religion. No religion can save you, including Christianity can never save you. Keine Religion kann dich retten, auch das Christentum kann dich nicht retten. Aucune religion peut t'aider, même pas le christianisme, ça peut pas aussi t'aider, ça va pas te sauver. It's only Christ that is our savior. Nur Christus ist unser Retter. C'est seulement Jésus-Christ qui est notre sauveur et pas le christianisme. Praise the Lord. Alleluia. The truth is so wonderful. Die Wahrheit ist so wundervoll. La vérité est vraiment formidable. That the Lord wants us to know. Die der Herr uns näher bringen will. La vérité que l'Éternel veut qu'on puisse comprendre. And he keep on revealing all to us. Und er offenbart uns immer mehr und mehr. Il continue toujours à nous révéler la vérité. Heavenly life is not a religious life. Das himmlische Leben ist kein religiöses Leben. La vie céleste, c'est pas une vie religieuse. It's not living. It's not spiritual. It's not spiritual. Es ist nicht geistlich. C'est pas spirituel. It's spirit. Es ist Geist. C'est esprit. I don't know if you are getting it. Donc c'est pas spirituel, mais c'est un esprit. It's not spiritual. People want to live spiritual. Religious people, they live spiritual. We live Christ. Religiöse Leute wollen geistlich leben, aber wir leben nicht Geist, wir leben Geist. We are spirit. Denn Christus ist Geist und Wahrheit. En fait, les gens religieux, eux, ils veulent toujours vivre une vie spirituelle. Mais nous, on ne vit pas une vie spirituelle. On vit une vie. Nous sommes des esprits. Notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est pas qu'on doit forcer d'avoir une vie spirituelle. Nous sommes des esprits et on y vit parce que Jésus-Christ est notre vie. Jesus said, "The word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Amen. Jesus sagt, they are not spiritual, but they are spirit." Amen. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Sind nicht geistlich, sondern sie sind Geist. Jésus-Christ nous dit que la parole que je vous prêche, c'est esprit et vie. Il n'a pas dit que c'est spirituel et vie. Il a dit que c'est esprit et vie. Praise the Lord. Amen. Go to 1 Corinthians 2, please. Let us first of all quickly go there. 1 Corinthians 2:13. 1 Corinthians 2:13. On va le lire ensemble. He says, "Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual." You see two things there. Spiritual things with spiritual. Und davon, 1. Korinther 2, 13, und davon reden wir auch nicht, in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind. Amen. Indem wir Geistliches geistlich erklären. Et on va le lire à 1 Corinthiens 2, 13. Et nous, en parlant avec les discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. You have to know the difference, please. When people say they are spiritual, because satanic world is also spiritual world. Du musst den Unterschied kennen, weil die satanische Welt, Satanisten, sind auch geistlich unterwegs. Tu dois comprendre le monde spirituel parce que le diable et ses démons, ils sont aussi des esprits, donc ils sont aussi en train d'opérer dans le monde spirituel. Those that worship their forefathers, those that worship all this religion, they are spiritual. Oder Menschen, die ihre Urahnen anbeten, sind auch geistlich unterwegs. Par exemple, les gens qui sont en train de adorer leur ancêtres, eux, ils sont aussi spirituels. Tu vois, c'est aussi spirituel. You are not one of them. Tu bist nicht einer von ihnen. Mais nous ne sommes pas un d'eux, on n'appartient pas à eux. Are you getting it? You are above them. Tu schießt über ihnen. Amen. Au-dessus. It's not only the pastor that is above them. You got children. We are all above them. Und nicht nur der Pastor steht über diesen Mächten, sondern wir alle stehen über diesen Gewalten und Mächten. C'est pas seulement le pasteur qui est au-dessus de tous ces esprits. C'est nous tous, nous les enfants de Dieu, nous sommes tous au-dessus de tous ces esprits, Amen. tous ces démons là ici sur terre. If you have Christ in you, you are above the. Go to 1 Corinthians. Go to Colossians, please. Let's go to Colossians. Colossians. On va lire Colossiens. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Colossians 2. Colossians 2. Colossians 2. Colossians 2. Praise the Lord. Hallelujah. If we read from verse 8. Colossiens 2, verse 8. Colossiens 2, verset 8. He said, "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." Kolosser 2, Vers 8. Hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Amen. Kolossiens 2, Verset 8. Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments de ce monde et non sur Christ. He said, "For him dwelleth all the fullness of Godhead bodily." Verset 9. Verse 9. In him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. And you are complete in him. You and me. We are complete. Our spirit is 100% Christ. Unser Geist, you are saved, ist 100%ig Christus. Und deswegen sind wir auch zur Fülle geworden. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est 100%. Lui, il y a l'Esprit de Christ et 100%. Il vit aussi 100% en nous. C'est pour cela que nous sommes l'Esprit. Nous sommes aussi les esprits. And you are complete in him, which is the head of all principalities and powers. Verse 10. Amen. Are you getting it? The head. You are the head. Du bist das Haupt. Verse 10 nous dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, il est en nous. Nous sommes la tête. Nous sommes la tête. Voilà, nous sommes la tête. Parce que celui, le chef qui est qui est au-dessus de toute domination, il vit en nous. Donc c'est pour cela que nous sommes la tête. Amen. Amen. And look, if you go to, if you put one finger here, please, and then go to Ephesians 6. Ephesians 6, verset 12. He said, for we wrestle not against flesh and blood. Amen. You see it? Yeah. But against principalities, against powers. Amen. Amen. But they are lower powers. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften und die Gewalten. Aber das sind niedrige Herrschaften und niedrige Gewalten vor Jesus Christus. Amen. Ephésiens 6, 12 nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde, des ténèbres. Et ça nous fait, voir que ces dominations. Donc l'Éternel, Jésus-Christ, il est au-dessus de tous ces esprits-là qui sont... oui, tous les esprits des ténèbres. Lui, il est au-dessus de tout ça. Look at it. He said, for we wrestle not against flesh and blood. Well, it's not... The battle is not between man and woman. Mm-hmm. Husband and wife. Mm-hmm. Children and parents. Amen. Black or white. Uh-huh. Countries or country. It's not... That is not. That, but that is what you will see. That is not, so we wrestle not against man. Amen. Your enemy is not man. Mm. Your enemy is talk about your enemy. He said, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Genau, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern das Geistliche, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen das Geistliche. Et puis, il nous fait voir que notre, on ne lutte pas contre la chair, hein? C'est contre les esprits. Donc là, ce n'est pas ton mari ou bien tes enfants ou bien ta famille qui est ton ennemi. Il a dit, il a cité aussi, ce sont les autorités contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc là, il a cité notre adversaire, ce n'est pas l'être humain, ce sont les esprits. Are you getting it? Mm. Yeah, you know, who is fighting you is not people. Amen. Your co-workers, they are not the one fighting you. Sind nicht die Leute, nicht deine Mitarbeiter sind das Problem. Et oui. Et donc les gens qui sont contre toi, par exemple, qui sont tes adversaires, c'est pas ou bien les collègues du travail, ils sont même pas à l'auteur à être tes adversaires. Are you getting it? Mm-hmm. In Colossians 2:10, it says you are complete in him. You are the head of all principalities and power. Mm-hmm. Then Ephesians 6 calls Satan, it says principality, called satanic or principalities and power. It's only through Christ you can defeat Amen. Satan. Yeah. There's no other way. Sagt Jesus, dass du Kopf dieser Herrschaften bist. Und hier in Epheser steht, dass der Satan dieser Herrschaften, diese Gewalten, das heißt, du stehst über den Satan. Donc tu vois, Colossiens 2, 8, il dit que nous sommes la tête. Hein? Nous sommes la tête parce qu'on a Jésus-Christ en nous. Et Ephésiens 6 nous dit qu'il nous fait voir contre qui la tête est en train de lutter, ou bien il est au-dessus de qui? Au-dessus du diable, avec toutes ses dominations ou bien ses démons. Principauté, ouais. You know, if you leave Congo and come to Deutschland, or Nigeria and come to Deutschland, and you don't know anything here, the benefit of here will not belong to you. wenn du aus Kongo hier hinziehst und aber nicht weißt, was welche Dinge dir zustehen, dann wirst du dieses Land hier nicht genießen werden. Du wirst denken, jeder ist gegen dich. Si tu viens par exemple du Congo ou bien du Nigeria, si tu viens en Europe pour vivre ici, mais tu connais pas les bénéfices que ce pays est en train de donner aux citoyens de ces pays. Tu vas même pas rejouir la vie ici. Tu seras stressé parce que tu seras pas à l'aise. Tu pourras pas partir social. Tu sais pas comment avoir de l'argent, des histoires comme ça. Donc tu seras coincé. Because these two countries, they are different countries, and they have different rules and regulations. Mm-hmm. Weil diese zwei Länder sind zwei unterschiedliche Länder und sie haben unterschiedliche Regelungen. Parce que ces deux pays, Congo ou bien Nigeria et même avec l'Allemagne, ce sont deux pays différents qui ont deux systèmes différents en fait. Hein? Even if you start from the weather, they are different. Selbst wenn du schon beim Wetter anfängst, das Wetter ist nicht gleich. Même si tu commences même avec des petites choses comme par exemple le temps ou bien le météo, le temps c'est différent. The mentality, everything, they are different. La mentalité ist anders, das Essen ist anders. La mentalité, la nourriture, tout est différent. So also is this kingdom of this world and the kingdom of heaven. Yeah. Und so ist auch das Königreich dieser Welt und das Königreich des Himmels. Et c'est la même chose avec le royaume des cieux et le royaume de ce monde. Ce sont deux choses différentes. They are opposites. Sie sind Gegensätze. Mm-hmm. C'est le contraire. God's children are so occupied with that of this world. Aber they know nothing about the kingdom of heaven. Aber Kinder Gottes sind so umgeben von dem Königreich dieser Welt, dass sie vom Königreich des Himmels gar nichts wissen. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont vraiment occupés. Ils ont leur concentration aussi autant dans le monde de ce monde, donc dans ce monde ici, ce monde terrestre ici, et ils ne connaissent pas leur monde spirituel de Jésus-Christ, leur royaume. Ils ne savent rien concernant ce royaume. Are you getting it? Yeah. You know, if you come from Nigeria, I know in Nigeria there's no social help, there's no kindergarten, there's just nothing. And you are here. I don't know about Congo. Maybe it's the same. Yeah, Once you come here, and you want to live that life here, it will not work. Because here there are so many, as a citizen, here, you have a lot of benefit that belong. Nobody should disturb me, please. Yes, because I'm seeing your eyes. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So I'm seeing some people's eyes here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. You know, once you live there and come here, mm-hmm. and there you don't know nothing, and you think and you believe that here is also the same. Whatever victory that's supposed to be for you here, you will not have it. So also is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven, there is, it's a happy, it's enjoyment. It's packed with enjoyment. Genauso wie it's like here compared, I'm coming here. Mm-hmm. It's like comparing here to Nigeria. Why are people dying in the sea to come here? Because of the outside, the flesh. They cross the sea, they die in the sea. They don't even care what is going to happen. Because they believe here is occupied with fleshly enjoyment. So also is the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is so equipped that the enjoyment there is so heavy that it God children, they are not part of it at all. They are not getting it. It does not belong to them because they are not there. I don't know if you get it, please. It's genauso wie wenn du aus Nigeria oder Kongo beispielsweise hinkommst und du weißt halt in diesen Ländern beispielsweise keine Sozialhilfe gibt, kein Kindergeld, kein Hartz IV, keine dieser Sachen gibt, die du hier hinkommst und dann denkst, es genauso ist und versuchst dann genauso hier über die Runden zu kommen, ohne diese ganze Hilfe vom Staat, ohne diese ganzen Sachen zu beantragen. Aber das wird nicht funktionieren, weil man wird dich irgendwann aufsuchen. Du musst diese Sachen irgendwann halt machen, weil du kannst halt nicht illegal hier leben. Weil du sonst als Gesetzloser gilt. Mhm. Und genauso ist es halt auch im Königreich Gottes, dass Kinder Gottes wissen so viel über das Königreich dieser Welt, aber sind so ahnungslos über das Königreich von Jesus Christus. Und das wird ihnen zum Verhängnis, weil wenn du halt nicht weißt, was dir hier beispielsweise in Deutschland zustehst, wirst du wie ein Dieb leben. Du wirst dich überall verstecken, du wirst nicht verstehen, dass dir eigentlich eine Wohnung zusteht, dass dir Hilfe zusteht. Du wirst versuchen, selber irgendwie klarzukommen. Aber wenn du das alles wissen würdest, wie im Königreich Gottes, dann würdest du ja auch dieses Königreich genießen, wie es auch eigentlich geplant ist von Christus. Und das ist ja auch der Grund, weshalb so viele Menschen beispielsweise, wenn wir es wieder auf das Weltliche beziehen, durch die Wüste laufen, ihre eigenes Urin trinken, kilometerweit schwimmen, um nach Europa zu kommen. Weil sie sich denken, hier ist alles besser, hier ist alles toll, wegen dem physischen, wegen dem äußerlichen Dingen, weil sie wissen, hier gibt es Geld, hier gibt es Hilfe, hier gibt es also all diese schönen, in Anführungszeichen, Dinge. Und deswegen tun sie alles, um hier hinzukommen. Ne? Aber als Kinder Gottes erkennen wir ja nicht, dass das als, im Königreich Gottes ja eigentlich sogar viel, viel größer ist, das, was uns alles in seinem Reich erwarten würde, wenn wir uns wirklich darauf einlassen würden, zulassen würden, dass der Heilige Geist uns erklärt, wie wir in seinem Königreich zu leben haben. En fait, c'est tout comme dans le royaume des cieux, dans les deux pays différents. Elle nous fait voir un exemple, par exemple, que si on vient du Congo et on vient vivre ici, mais tu ne sais pas que tu as des bénéfices ou bien comme que tu dois payer des taxes, des histoires comme ça. Tu vois, on va te mettre en prison, par exemple, parce que tu ne payes pas de taxes, parce que tu ne savais même pas que tu dois le payer, vu qu'au Congo, on ne paye pas de taxes. Ou bien que tu vas vivre comme un voleur parce que tu ne sais pas que tu as droit à une maison ou bien à de l'aide. Donc, tu vis ici, si tu veux vivre ici, comme au Congo, par exemple, ou bien au Nigeria, par exemple, tu auras du mal à vivre ici parce que tu seras comme un... comme un prisonnier. Mais on voit aussi que quelquefois les gens en Afrique, ils veulent venir en Allemagne, par exemple, parce qu'ils savent que, ils ont écouté dire que quand on part en Allemagne, tu auras de l'argent, c'est plus facile la vie en Europe. La vie en Europe, c'est vraiment, on va te donner de l'argent seulement comme ça, on te donne de l'argent même pour les enfants. Tu n'as fait rien avec ces enfants, tu les as seulement mis au monde et tu prends de l'argent. Et c'est pour cela que les gens en Afrique sont vraiment prêts à mourir, parce qu'ils sont en train de prendre une voie, ils se mettent dans un bateau, ils prennent des voies bizarres pour arriver ici. Donc ils sont même prêts à se trahir, à se distraire, seulement parce qu'ils ont le plaisir, ils ont dans leur tête le plaisir de l'Europe en fait. Et c'est pour cela qu'ils sont prêts à tout faire. Mais nous, les enfants de Dieu, on doit aussi avoir cette mentalité, quelquefois comprendre que le royaume des cieux, c'est encore plus que l'Allemagne, c'est encore plus que l'Europe. Et on doit aussi être prêt à tout finir, à tout laisser derrière nous, à faire des sacrifices, parce qu'on sait que le plaisir qu'on aura au royaume des cieux, c'est même un plaisir qui sera pour toujours. Donc c'est éternellement. Et ça vaut la peine en fait. Mais ça, nous, malheureusement, on n'est pas capable à le comprendre. C'est ça vraiment le problème, en fait. Also, religious world and Christ world are two different worlds. Auch die religiöse Welt und die Welt von Christus sind nicht gleich, sind unterschiedliche Welten. Et même le monde religieux et le monde de Jésus-Christ, ce sont des mondes différents. Now you cannot even compare the two. Du kannst die beiden nicht vergleichen. Et tu peux pas comparer le monde religieux et le monde. You know, if you are speaking to the old people, especially parents, friends or uncles, they will say they were in the church before you. Und beispielsweise, wenn wir zu älteren Menschen predigen, beispielsweise zu Eltern oder Onkel oder irgendwelche Leute, Verwandte oder Freunde, dann werden sie versuchen uns zu sagen, dass sie schon vor uns in der Gemeinde waren, in einer Gemeinde waren. Et quelquefois quand on essaie même de parler aux gens qui sont plus âgés que nous, nos oncles, nos parents, ils vont te dire que mais nous on connaissait l'église même avant que toi tu puisses être né. It's true, they were a religion. Das stimmt, sie waren eine Religion. C'est vrai, ils étaient dans la religion. Yeah, but we are in Christ. Aber wir sind in Christus. Mais nous, on est en Christ. Amen. Amen. Amen. Years ago, I don't know, I just decided that I don't want to be evangelist. What do you call them? Evangelist. You know, once you come to Deutschland, they say, are you a Christian? You just say yes. When I was just who I am, who I was. Amen. I was not a son of God. Amen. I know that there's Jesus Christ. I was even going to some churches with the invitors. I even called Jesus' name, but I was not there. I know there's a difference. If you allow Christ and know Christ, there's a difference. So years ago, you know, I just decided that I don't want to be part of them any longer. And because once they ask you, evangelist, you say yes, and there's money they take from your bank, you pay them. Yeah. I just decided I'm going to erase it. I went there immediately. My husband, you know, I went there immediately to erase it. I told them I'm no longer part of it. Because I just see, I hate religion. Jesus hates religion. Mm-hmm. Once you come to Christ, you are going to hate religion. Mm-hmm. And you will know the difference. So I left there. So some days ago, my husband was telling me that a lady in his place of work left his church, his Catholic or so. She left there. So I said, very good. You know, religion will be angry. I don't know if you understand. No, there's no cross in the church. People, they take cross away from the church. They are angry because they don't know Christ. Christ is not that cross. Christ is a person that you allow to come inside you and live in you and live through you. Und vor einigen Jahren habe ich mich dazu entschieden, aus der evangelischen Kirche auszutreten, weil wenn man hier neu in Deutschland ist, ne, besonders auch als Asylant, wird oft gefragt, okay, bist du Christ oder bist du konfessionslos? Und wir haben natürlich gesagt, wir sind Christen, und dann hat man uns zugeteilt. Ne, wir haben gesagt, okay, zur katholischen Kirche haben wir jetzt nicht gehört, aber dann evangelisch halt. Und so waren wir dann halt einfach registriert in Deutschland. Und irgendwann habe ich halt dann entschieden, mich da das rausnehmen zu lassen, weil ich halt keine Kirchensteuer mehr an eine Kirche zahlen möchte, zu der ich nicht gehöre. Ne? Und Papa hatte auch immer erzählt, dass eine Arbeitskollegin von ihm sich auch aus der Kirche ausgetreten ist. Und ich habe auch gesagt, praise the Lord, weil diese Konfession, das ist Christ, das ist Religion, aber nicht Jesus Christus. Ne? Leute kämpfen um Religionen, aber sie erkennen Jesus Christus nicht. Deswegen kämpfen sie auch darum, dass in Schulen beispielsweise irgendwelche Kreuze hängen. Aber was bringt dieses Kreuz an der Wand, wenn es nicht in deinem Herzen ist? Ne? Also es ist halt alles nur äußerlicher Schein und nicht die Wahrheit. En fait, il y a des années, quand nous sommes venus ici en Allemagne, on demande à tous les gens ici quelle confession as-tu? Tu as la confession catholique, évangélique, hein, des histoires comme ça. Et quand tu entres dans cette confession, tu te positionnes, tu dois commencer à payer les taxes de l'église, en fait. Et moi, quand j'ai commencé à avoir une relation avec l'Éternel, parce qu'avant, je connaissais aussi Dieu, mais ce n'était pas comme ça, que je ne connaissais pas la vérité comme maintenant. Et quand j'ai connu l'Éternel et la vérité, vraiment, réellement avoir une relation vivante, j'ai compris que ça ne sert à rien, parce que le Christ, à payer les taxes de l'Église, ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ, parce que ça te sert à quoi payer les taxes, parce que les gens religieux de ce monde, ils sont vraiment très fâchés dès que tu dis que ben, moi j'ai quitté l'Église, je ne paye plus les taxes, ils sont vraiment fâchés. Ils disent, mais toi tu es chrétienne, pourquoi tu fais des histoires comme ça? Ils sont en train de se battre même pour que dans les écoles, ils puissent avoir la croix. Il y avait même un grand débat là à Berlin, ils ont dit que ici il y a la croix dans l'école, ils voulaient que cette croix puisse rester là, et les musulmans ne voulaient pas avoir cette croix. Mais ça te sert à quoi avoir la croix à la classe des enfants, si dans tes enfants n'est même pas, si toi-même et tes enfants n'ont même pas Jésus-Christ dans votre cœur. Parce que Jésus-Christ, c'est une personne, et il faut avoir une relation avec la personne. C'est pas juste quelque chose que tu dois peindre comme ça et puis dire que oui, Jésus-Christ, il est là, mais ton cœur, il n'a pas Jésus-Christ, donc ça n'a pas de sens, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you are still part of those evangelists, Catholics, please get out of there. Yeah, yeah. Wenn ihr noch ein Teil davon seid, versucht eure Geld rauszukommen. Und lasst auch nicht zu, dass euer Geld halt da reingeht. Mhm. Weil man ist halt auch Teil davon, wenn dein Geld halt da reingeht. Ne? Donc, pour ceux qui sont encore qui payent encore les taxes, l'église, de la religion, je vous conseille vraiment d'y sortir parce que ça sert à rien. Parce que eux, avec tous ces taxes-là, ils font que des histoires, des bêtises en fait. Ils sont en train de supporter par exemple des homosexuels, des histoires comme ça. Ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Et si tu fais partie indirectement, tu fais part d'eux si tu continues à payer cet argent-là, par exemple. Don't miss Christ and religion. Vermisse Christus nicht mit Religion. Donc, il ne faut pas mélanger le Christ et la religion. Heavenly life is our life. Das himmlische Leben ist unser Leben. Parce que notre vie, c'est Jesus did not need to come for earthly life. Jesus brauchte nicht für ein irdisches Leben kommen. Jésus-Christ n'est pas venu pour une vie terrestre. He did not need to come for the kingdom of the life of this world. For us, we already know it was already existing. Er ist nicht gekommen, um uns die irdische, die weltliche Art und Weise zu leben beizubringen, weil da waren wir schon Meister drin. Ne? Er kam für das königliche, für das himmlische Leben. Lui, il n'est pas venu pour nous faire nous apprendre comment vivre la vie terrestre. Il est venu pour nous apprendre comment vivre la vie, le surnaturel dans le naturel, dans la vie d'en haut, ici. Johannes 10, vers 10. On va le lire à Jean 10, verset 10. Amen. Amen. John 10, 10. He said, the thief cometh not but to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Mm-hmm. I love that. Amen. He came to give us life. Er kam, um uns Leben zu geben. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, il est venu pour nous donner la vie. It means the thief came to steal alive. Das heißt, der Dieb kam, um Leben zu stehlen. Ça signifie que le diable ou le voleur, il est venu pour voler. And he's back. Dérober notre vie. And Christ is back to give it to us back. Und Christus ist zurück, um uns das zurückzugeben. Et le Christ, il est venu pour nous le rendre. Amen. Amen. Heavenly life is our life. Das himmlische Leben ist unser Leben. La vie céleste, c'est notre vie. Amen. And the Lord wants us to know how to live this life. Und der Herr will, dass wir wissen, wie wir dieses Leben zu führen haben. Et l'Éternel veut qu'on puisse savoir comment vivre cette vie ici sur terre. We have been living religious life for too long. Wir haben zu lange religiös gelebt. On a vraiment vécu la vie religieuse pendant beaucoup de temps. You know, religious life is the natural. Let me explain it, what religious life is. Religious life is everything here on earth. You follow it, the system of this world. Then you paint it with Jesus. Mm. Religiöses Leben bedeutet, dass du einfach nach dieser Welt, nach diesem Weltsystem lebst und denkst. Then call und dann Jesus Christ. Am Ende Amen sagst und am Ende das Jesus dranhängst. Donc pour comprendre, pour vous aider à faire comprendre la vie, le monde religieux, ils font tout comme dans ce monde. Mais ils mettent la peinture dans leur vie et disent c'est Jésus-Christ. Donc avoir le bien de ce monde, le système de ce monde, la vie de ce monde et seulement dire le nom de Jésus-Christ devant cette vie. Et c'est ça la vie de la vie religieuse. What give them joy is what gives you joy, but in the name of Jesus. Mm. What give them peace is what gives you peace in the name of Jesus. Mm. You can see everything here, but in the name of Jesus. That's really Christianity. That's religious work. Du denkst so wie die Welt, du denkst, dass Ehe dir Freude gibt, du denkst, dass Kinder dir Frieden schenken, du denkst, dass Gesundheit dein Glück ist und dann sagst du in Jesus Namen. Du hast genau die gleichen Denkweise wie diese Welt und sagst am Ende einfach nur in Jesus Namen. La vie religieuse, en fait, elle est un peu bizarre parce que eux, ils sont vraiment comme ce monde ici. Ce qui donne à ce monde la joie, par exemple, avoir un bon travail, eux disent aussi que, les gens religieux disent aussi que, ah, on a un bon travail au nom de Jésus. Donc, ça leur donne la joie. Donc, tout ce qui donne aux gens de ce monde la joie, ça, c'est aussi la même chose qui donne aux gens religieux la joie, sauf qu'eux, ils rajoutent seulement le nom de Jésus-Christ dedans. Praise the Lord. Hallelujah. Ishmael remain Ishmael. Aber Ismael bleibt Ismael. Can never be changed to Isaac. Er kann nicht zu Isaac werden. On doit comprendre que Ismael va rester toujours Ismael. Vous pouvez pas changer Ismael et le transformer en Isaac. Jesus said, if the root is bad, the fruit will be bad. Bei Jesus sagt no matter klar, how good the fruits look like. Die Wurzel schlecht ist, wird auch die Frucht schlecht sein, egal wie schön die Frucht aussieht von außen. Ja. Jésus-Christ dit que si la racine elle est mauvaise, le fruit sera aussi mauvais. Peu importe comment le fruit en dehors ça, ça semble beau, oui, ça semble vraiment. Oui, ça, ça t'attire vraiment, mais si la racine elle est mauvaise, le fruit va rester mauvais. There's nothing like a good religion. Es gibt keine gute Religion. Il n'existe pas une bonne religion. It's like you are saying there's something like a good shit. Du sagst, es ist so, als du sagen würdest, es gibt guter Mist. C'est comme si tu veux dire qu'il y a une bonne nobody want it. Poubelle. Save some people. Oh, moi, une bonne poubelle. Poubelle, ça reste. Poubelle. Und Mist bleibt immer Mist, egal wie viel Gold du da drüber schmierst, egal wie viel Parfum du da drauf knallst, es bleibt Mist. If you put small into puree, nobody will eat your cooking. Just take a little. Nobody, everybody will reject it. Are you getting it? Und egal, shit is always shit. Religion is evil. Und egal wie wenig die Masse ist, die du irgendwo reintust, wenn du zu einer Feier einen Kuchen mitbringst und sagst, ey, in den Kuchen habe ich ein bisschen Mist reingetan, da wird nicht jemand sagen, okay, welche Ecke, dann schneide ich das raus. Nee, keiner wird das essen. Maman, tu lui, c'est bien cet exemple, elle dit que la merde, ça va rester la merde. Donc, ça signifie que même si tu le mets, tu dis qu'il n'y a pas, il n'existe pas une bonne merde, une merde qui... Même si tu mets beaucoup de parfum dedans, ça va rester la même chose. Donc, tu peux même pas prendre, c'est que, là, le truc là, et le mettre dans un gâteau, tu dis que c'est un beau gâteau, c'est vraiment très bon, mais on a mis un peu de merde dedans. La personne qui va manger, tout le monde va dire que tu es une sorcière. Quand tu fais des histoires comme ça. Et c'est comme ça, c'est avec la... c'est comme ça, c'est avec la religion, quelquefois. C'est la même chose, parce que eux, leur racine, c'est vraiment une poubelle. Et ils sont en train de peindre, de le mettre, vraiment, de le décorer et de le présenter aux gens. It's not little religion. Be Christ. It's Christ alone. Und Religion, wie gesagt, Religion ist immer schlecht, ist immer nicht Christus. Und wir sollten eine Religion nicht zu Christus hinzufügen. Es sollte einfach nur pur Christus sein. Donc, et c'est pour cela, c'est vrai, c'est important pour vous de comprendre que nous ne sommes pas religieux. On ne doit pas suivre la religion. On doit suivre que Jésus-Christ lui-même, parce que lui, c'est la différence. Il est vivant. Heavenly life is enjoyment life. Das himmlische Leben ist ein Leben voller Genuss. La vie céleste, c'est une vie vraiment pleine de plaisir. Ephesians 4:24 says we are born into enjoyment. Epheser 4:24, da steht, dass wir in Genuss geboren sind. Ephesians 4:24 nous fait voir que nous fait voir aussi que nous sommes nés du plaisir de l'Éternel en fait, hein. Put on your heavenly life. He said, put on your heavenly life. Wir sollen unser himmlisches Leben anziehen. Il nous dit de mettre, de se revêtir de notre vie céleste. Which is perfect. Welches vollkommen ist. Qui est parfait. Why is it perfect? Because it's Christ alone. Weshalb ist es vollkommen? Weil es Christus alleine ist. Pourquoi notre vie céleste est parfaite? Parce qu'il s'agit que Jésus-Christ lui-même. On n'ajoute rien, on n'enlève rien, c'est seulement Jésus-Christ. It is created in holiness and righteousness of God. Heiligkeit und Gerechtigkeit geboren worden. Erschaffen worden. Mm-hmm. Et c'est créé, elle est créée, notre vie, elle est créée à travers la sainteté et la justice de Jésus-Christ lui-même. We are not born to suffer. Wir wurden nicht geboren, um zu leiden. Nous ne sommes pas nés ici au monde pour souffrir. There is no suffering in heaven. Es gibt kein Leid im Himmel. Il n'y a pas de souffrance au royaume des cieux. Are you getting it? Mm. Even Adam, if you see, you know, Adam was created into enjoyment. Adam wurde you can even know that. Amen. Everything was prepared for him and he was now created into enjoyment. Mm. Wurde in ein Paradies hineingeboren, hinein erschaffen sozusagen. Si on voit la vie d'Adam, il a été né pour avoir le plaisir, pour se réjouir de la vie. Tout a été déjà créé, et puis lui, à la fin. Donc seulement pour se réjouir de tous ses biens. He was not born to sweat. Wurde nicht geboren, um zu schwitzen. Il n'était pas né pour transpirer, en fait. Amen. He was not born to sweat. There was nothing like sweat. Geboren, um zu schwitzen. Da gab es keinen Schweiß. Il n'était pas né pour transpirer, il n'avait même pas de sueur là-bas au royaume. Oui, là où il était. Let us look at where sweat is coming from. Genesis Genesis 3. Damit wir uns anschauen, woher der Schweiß kommt, also weshalb Menschen schwitzen. On va voir pourquoi les gens transpirent. Adam was not born to sweat. À Genèse 3. 1 Mose 3. Genèse 3. Praise the Lord. Amen. Genesis 3, from verse 17. 1 Mose 3, 17. Genèse 3, 17. Are we there, please? Yes. He said, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife. Lest you not beware of the voice you listen to. Nimm dich in Acht vor der Stimme, der du zuhörst. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté à la voix de ta femme, et pour cela, maman dit, il faut faire attention à quelle voix tu écoutes. Amen. Écoute. You rejected my voice and obeyed the voice of your wife. Or the voice of your husband, the voice of your mother, the voice of your children. Listen to the voice of Christ the Lord. Amen. Du hast der Stimme des Herrn nicht gehorcht und hast aber der Stimme von deiner Frau, von deinem Mann, von deinen Kindern, von deinen Eltern gehorcht. Aber wir sollen dem Herrn gehorchen. Tu n'as pas obéi à la parole, à la voix de l'Éternel. Tu as obéi à la voix de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes amis, de ta famille. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on doit obéir à la voix de Dieu et pas à la voix de quelqu'un d'autre, en fait. Amen. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Don't obey my voice if it is not coming from Christ. Horche nicht meiner Stimme, wenn sie nicht von Jesus Christus kommt. Maman dit aussi qu'on ne doit pas obéir sa voix si ce qu'elle dit, ça ne vient pas de l'Éternel. And my prayer is that I should now know the voice of the flesh will never come to me. Und mein Gebet ist auch, dass die Stimme des Fleisches niemals durch mich spricht, nur die himmlische Stimme. Et ça prie à chaque jour que la voix charnelle de ce monde ne puisse jamais venir sortir de sa bouche que la voix de du Saint-Esprit. I don't pray to have money because I am money. Are you getting it? Money love me. Ich bete nicht dafür, Geld zu haben, weil ich Geld bin, weil das Geld mich liebt. Only nobody can spend me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I don't pray for you know, and when my prayer is always Father. Whatever is not coming from you should never come from me. Whatever is not your desire for me to speak should never come. Ja, und ich bete immer da, und deswegen, also es kann mich aber dennoch niemand nutzen, um zu kaufen, weil ich schon erkauft wurde. Der Herr, ich bete immer wieder zum Herrn, dass ich das liebe, was er liebt und das hasse, was er hasst. Und deswegen auch nicht aus mir selbst heraus spreche, sondern nur zulasse, dass er durch mich hindurch spricht. Moi, je ne prie pas pour avoir de l'argent, parce que moi, je suis l'argent. L'argent même, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Le Christ vit en moi, et c'est plus que de l'argent. Et c'est pour cela, moi, je vaux plus que de l'argent. Et c'est pour cela, je ne prie pas pour de l'argent. Mais par contre, je prie que sa volonté puisse être faite dans ma vie. Donc, en fait, que je puisse aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Et c'est pour cela aussi, depuis que j'ai continué, je prie cette prière depuis longtemps. Et c'est pour ça que je suis aussi sûre que n'importe ce que je dis, ça vient que de lui-même, Jésus-Christ, et pas de moi-même. Et c'est ce qu'on doit, vraiment avoir cette habitude à faire la même prière. Que, oui, que ce qui ne vient pas de lui puisse pas aussi venir vers nous, en fait. Seulement ceux qui viennent de l'Éternel puissent aussi nous appartenir. Are you getting it? Mm. I never, you know, whatever come out from me never come from the flesh. Was immer ich spreche, kommt nicht aus dem Fleisch. Tout ce qui sort de moi, ça vient pas de la chair. Because I'm so conscious of Christ. Weil ich Christus bewusst bin. Parce que je suis vraiment très conscient du Christ en moi. My focus is so much here. Mein Fokus liegt so sehr auf Christus allein. Ma concentration c'est seulement vers l'Éternel Jésus-Christ. I never see what I do, I see what he did for me. Ich schaue nicht auf das, was ich tue, sondern das, was er für mich getan hat. Moi je ne regarde pas à mes œuvres, ce que moi je peux faire pour l'Éternel, mais je vois ce qu'il a fait pour moi. It is never about me, but about him. Denn es geht nie um mich, sondern um ihn allein. Amen. Il s'agit jamais de moi, mais il s'agit de lui-même. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why I don't even care how many people are here. Deswegen ist egal, wie viele Leute hier in der Gemeinde sitzen und zuhören. C'est pour cela, pour moi, ça m'intéresse même pas combien de personnes nous sommes ici à l'église. All I care for is that he is here. Amen. Was wichtig ist, dass Jesus hier ist. Das Ziel. La seule chose qui m'intéresse, c'est que l'Éternel Jésus-Christ lui-même puisse être ici et pas combien de personnes sont ici. J.K., help us to read verse 17. 1 Mose 3, 17. J.K., tu peux lire Genèse 3, 17. geht. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden geflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Praise the Lord. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est là que la sueur a commencé. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Verse 18. Thus also, and test shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. Verse 19. In the sweat of your face, sweat. You see it there. The sweat came from. Ici on voit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras, et c'est là, c'est à partir de là que la sueur a commencé à est née en fait. Das ist Teil des Fluches, der nach dem Sündenfall folgte. Et c'est le résultat de la malédiction en fait. So not our sweat is not our gesundheit, it's not our health. Christ is our health. Amen. Aber dennoch ist das nicht zu schützen, nicht unsere Gesundheit. Ne? Leute versuchen Schweiß zu schwitzen, indem sie zur Sauna gehen oder andere Sachen tun und dann das ihre Gesundheit. Aber Christ ist unsere Gesundheit, weil du kannst so viel schwitzen, wie du willst, aber dennoch wirst du sterben. Oder bist du schon tot ohne Jesus Christus? Les gens disent, par exemple, ici en Europe, ils disent ils doivent toujours partir à la sauna pour transpirer, parce que c'est vraiment bien pour la santé. Et maman dit, mais notre santé, c'est Jésus-Christ. Parce que les gens là sont en train de, pour avoir une bonne santé, ils partent à la sauna, mais à la fin, ils vont toujours continuer à mourir parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Pas seulement mourir physiquement, aussi de leur esprit, c'est aussi mort parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais par contre, quand c'est Jésus-Christ qui est ta santé, c'est quelque chose de différent. They are always looking for things to replace Christ. Ils can never walk. Um Christus zu ersetzen, das kann niemals funktionieren. Eux, ils cherchent toujours les histoires à remplacer Jésus-Christ, mais ça va jamais fonctionner. Amen. Christ is everything. Christus only ist alles. Only Christ is everything. Seulement Jésus-Christ, lui vraiment, il est notre tout. You can eat well and say you don't want to die, but if plane crash, will not hear you eat well. Accident will not hear you eat well. Are you getting it? Christus ist unser langes Leben, weil du kannst dich so gesund ernähren, wie du willst, aber bei einem Flugzeugabsturz wird das niemanden interessieren, wie viel Gemüse du heute Morgen gegessen hast. Da, das Flugzeug wird trotzdem auf die Erde prallen. Si par exemple, on parle de longévité. Il y a beaucoup de gens ici sur Terre pour avoir une longue vie. Ils disent qu'on va seulement manger des légumes, on va bien voir comme beaucoup boire, des histoires comme ça. Mais quand ils seront dans l'avion, ou bien l'avion va s'écrouler, ou bien ils vont faire un accident, ils vont mourir. Ça ne te sert à rien que tu as mangé des légumes pendant beaucoup de temps. Parce que ça, tu peux toujours mourir à travers autre chose. If you even look at common corona, it doesn't know black or white, old or young. Common corona, you understand me? Just kill them anyhow. You know, if you eat well or not, it's not his business. Once he catch you, he can kill you. You know, common that cannot even. You cannot. What you eat cannot even deal with that. Where Christ is all. Amen. Amen. Oder auch ein bloßer Virus, ne, der von niemandem und nichts halt macht. Ne, egal, ob du schwarz oder weiß bist, ob du trainiert und nicht trainiert bist. Sport, egal, was du machst oder nicht machst, er wird dich packen. Ne, ob du genau, egal was dein Titel ist, ob du einen Doktortitel hast oder nicht, arbeitslos bist oder nicht, wenn dieser Virus dich packt, dann packt er dich. Und das und Jesus Christus ist aber er ist ein Allrounder, er ist für alles zuständig, ne? Er ist in allem unser Versorger, unser Schutz. Et par exemple, si on voit seulement la pandémie qu'on avait eu ici, Corona par exemple, ça a tué beaucoup de gens. Ça n'a pas regardé l'âge, ça n'a pas regardé la couleur de peau, ça n'a pas regardé même ton statut dans la vie, ça n'a pas seulement tué comme ça. Donc ça pour te dire, se faire voir que si tu veux pas, tu veux faire des sports, tu veux remplacer l'Éternel partout, tu vas continuer à mourir. Mais seulement si Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ, c'est lui ta protection et tu vas jamais mourir parce que c'est lui qui est entré, qui va te guider en fait. Praise the Lord. Hallelujah. This verse 19 is very important. He says, in the sweat of your face shall thou eat bread, till thou return unto the ground. You know, God did not create Adam to die. Gott hat Adam nicht erschaffen, um zu sterben. But he now is till you return to ground. Are you getting it? For out of it was thou taken. For dust thou art. And unto dust shall thou return. Amen. Because of obeying the voice, the wrong voice. Er wurde eigentlich unsterblich erschaffen, aber jetzt ist er sterblich geworden. Zu Staub soll er jetzt wieder zurückkehren, weil er jetzt nur noch Staub ist, ohne den Geist Gottes sozusagen. Verset 19 nous fait voir les conséquences de la désobéissance d'Adam. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc en fait, Adam a été créé immortel, mais à cause de sa désobéissance, il a été maudit, il devrait transpirer, il devrait avoir du mal à manger, il devrait retourner poussière. Donc voilà. Praise the Lord. You can see that to sweat is one of the causes. Amen. It is like the poverty. To lack. Yeah, you know, they are all causes. They are under cause. So poverty is under a cause. It's und a cause. Deswegen seht ihr, das sind alles Flüche, ne? Ob es jetzt zu schwitzen ist, ob es auch Armut ist. Das ist auch ein Fluch. Donc on peut voir que avoir la sueur ou bien même la pauvreté, tout ça, c'est vraiment ce sont des malédictions. Verse 17 again, Adam listened to his wife. And not to God. Nochmal in Vers 17. Adam hat seiner Frau hat der Stimme seiner Frau gehorcht und nicht dem Herrn. Et on peut voir que même Adam, il a obéi à la voix de sa femme et pas la voix de son Dieu. He listened to man. He obeyed the voice of man. Er hat dem Menschen zugehört. Er hat der Stimme der Menschen gehorcht. Et il a obéi à la voix de l'être humain et pas à la voix de Dieu. Which voice do you obey today? Or listen to? Stimme gehörst du heute? Welche Stimme schenkst du Ohr? Et c'est quelle voix que tu écoutes aujourd'hui? À quelle voix que tu obéis aujourd'hui? The voice of things. Der Stimme von Dingen. Est-ce que c'est la voix des choses? Opposite voice. Die gegensätzliche Stimme. Donc les voix contraires à celui de l'Éternel. There's always going to be opposite voice. Es wird immer eine Gegenstimme geben. Il y aura toujours des voix qui sont contraires à ce Praise the Lord. Hallelujah. The opposite voice is always going to speak. Die Gegenstimme wird immer sprechen. Et les voix qui sont contraires à celui de l'Éternel vont toujours Amen. Parler. The five senses is always going to speak. Die fünf Sinne werden immer sprechen. Et les cinq sens vont toujours continuer à parler. You are going to hear the voice of your body. Du wirst die Stimme deines Körpers hören. Et tu vas toujours écouter à la voix de ton corps. The voice of people. Die Stimme der Menschen, der La Leute. Voix des gens. What they have and what you don't have. Was sie haben, was to you. Du nicht hast. Ce que les gens ont, ce qu'ils sont en train de posséder, ce que toi tu n'as pas, ça va te parler. Praise the Lord. Prove the voice. Prüfe die Stimme. Donc tu dois vraiment examiner les voix. That you allow to obey. Der du gehorchst. Prüfe der Stimme. Prüfe die Stimmen, denen du gehorchst. Tu dois vraiment examiner les voix lesquelles tu donnes vraiment de valeur en fait. Remember Mark 5, Jairus. Erinnert euch an Markus 5, Jairus und seine Tochter. Et rappelez-vous à Marc 5. There was opposite voice. Mm, es gab eine Gegenstimme. Ja, yeah, komm hier. Oh, Mark 5. Mark 5. Amen. Amen. Amen. Even Mark 10, where Jesus, when he spoke to the fig tree, there was opposite voice. The tree was speaking to Jesus. Mm. Auch als der Feigenbaum zu Jesus gesprochen hat, da gab es auch eine Stimme, etwas, was zu ihm zurückgesprochen hat. Même avec, même avec le figuier que Jésus-Christ avait maudit, il y avait quelque chose qui a une voix qui a retourné en fait envers lui. Praise the Lord. Halleluja. From verse 35. Markus 35 5. On the and 37. 35 bis 37, ja. Mark 5, 35 bis 37. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen: Meine Tochter ist gestorben. Was bringst du den Meister nach? Weiter? Praise the Lord. Danke schön. Verse 35. He said, why he yet speak? There came from the ruler of the synagogue's house, certain we said, your daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Praise the Lord. Hallelujah. You can see opposite side, opposite voice. Die Gegenstimme. Comme il parlait, okay. Il parlait encore survinrent de chez le chef de la synagogue, les gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Donc, genre, il y a cette voix qui disait, pourquoi à cet homme qui voulait sauver sa fille, que ta fille elle est déjà morte, pourquoi tu déranges l'Éternel? The voice of unbelief, fear and doubt. Die Stimme von Unglauben, Zweifel und Ängsten. Donc, c'est la voix de l'incroyance, de... et des doutes et de peur. Are you getting it? Mm. You know the voice there is, you know, who is going to speak. The voice of there's no money in your account. Die Stimme von es gibt gar kein Geld mehr auf deinem Konto. Il y aura des voix qui vont te parler. Par exemple, la voix qui va te dire que tu n'as même pas de l'argent dans ton compte. The voice of there's no, you know, more bills are coming. Und die Stimme von noch mehr Rechnungen. Ou bien que tu auras encore beaucoup de factures qui va arriver, que tu as à payer. Ce sont aussi des voix. The voice of I still have pain. Je te le fais, j'ai immer noch Schmerzen. Ou bien la voix qui te dit que j'ai encore beaucoup de douleurs. The voice of age. Stimme des Alters. La voix de l'âge qui te dit que tu es en train de vieillir, par exemple. Who tell you that? Ich werde älter, nicht jünger. Wer hat dir das gesagt? Mais qui te dit ça? D'où viennent toutes ces voix-là? Amen. You know, in Genesis, when God called Adam, and Adam said, I heard your voice and I was afraid. Mm. And God said, you know, he said, because I was naked. And God said, who told you that? Mm. Are you getting it? Mm. Whose voice did you listen to? Mm. Are you getting it? Yeah. Und auch als Adam sich versteckt hat vor Gott, nachdem er von der Frucht gegessen hat und der Herr ihn dann gesehen hat und er gefragt hat, weshalb versteckst du? Ich hatte gesagt, ich verstecke mich, weil ich nackt bin. Und hat der Herr gesagt, wer hat dir das erzählt? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Weil anscheinend irgendjemand, irgendeine Stimme dir das weiß gemacht hat. Quand par exemple Adam s'est caché de l'Éternel, quand l'Éternel est en train de l'appeler, et puis Adam a répondu à l'Éternel, il a dit à Dieu, mais je suis en train de me cacher parce que je suis nu. Et l'Éternel lui a dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Donc ça signifie que c'est une voix qui te dit en toi que tu es nu. Mais c'est qui t'a dit ça? C'était pas moi en fait. Because in heaven it's only Christ's voice. Denn im Himmel gibt es nur die Stimme von Christus, die zählt. Parce qu'au royaume des cieux, il n'y a que la voix de Jésus-Christ, de Dieu. If you are heavenly conscious, you will hear only Christ's voice. Wenn du himmlisch gesinnt bist, dann wirst du die Stimme von Christus hören. Si tu es conscient de de ta vie en Jésus-Christ, tu vas seulement écouter la voix de l'Éternel. Nur diese Stimme. We have to hear the voice of Christ. Wir müssen die Stimme von Christus hören. On doit apprendre à écouter la voix de l'Éternel. He speak. Er spricht. Parce qu'il parle de, du Christ. The Holy Ghost speak. Der Heilige Geist spricht. Parce que le Saint-Esprit parle. John 17 said, my sheep hear my voice. Because he speak and we have to hear his voice. Amen. Johannes, nee, Johannes 10 steht, dass meine Schafe... Johannes 10 steht, dass meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen, weil sie mich kennen. Jean 10 nous dit que ses brebis écoutent, entendent sa voix. Et parce que ses brebis, nous sommes nous, et nous sommes, on doit être capable à entendre, à reconnaître sa voix. Praise the Lord. Hallelujah. My sheep hear my voice. The voice of a stranger, they will not hear. Die Stimme eines Fremden werden sie nicht hören und geschweige denn gehorchen. Donc il dit que mes brebis connaissent ma voix, ils vont entendre, obéir à ma voix et ils vont pas obéir à la voix d'un étranger. The voice of religion, they will not obey. Der Stimme der Religion werden sie nicht gehorchen. Mes brebis vont jamais obéir à la voix de la religion. Amen. Amen. My sheep hear my voice. Praise the Lord. Hallelujah. That's John 10, verse 27. That's my sheep hear my voice. And I know them and they follow me. You have to know how to hear the voice of Christ. Du musst wissen, wie man die Stimme von Christus hört. Und tu dois vraiment apprendre à écouter et à obéir la voix de l'Éternel, de Jésus-Christ. Two cannot walk together except they are hearing from each other. Zwei können nicht zusammengehen, es sei denn, sie hören voneinander. Deux personnes ne peuvent pas marcher ou travailler ensemble, sauf s'ils écoutent, sont capables d'écouter, de communiquer ensemble. He hears you when you speak. Er hört dich, wenn du sprichst. Parce que l'Éternel, Jésus-Christ, il t'écoute quand tu parles. But do you hear him when he speaks? Aber hörst du ihn, wenn er spricht? Mais est-ce que toi, tu écoutes quand il te parle? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If you are not occupied by him, you can never hear him. Wenn du nicht umgeben bist von ihm, dann kannst du ihn auch nicht hören. Si l'Éternel Jésus-Christ n'est pas autour de toi, toi tu ne seras pas capable de l'écouter. If you are occupied with this world, the system of this world, everything, your religion and everything, you will hear a voice, but not the voice of Christ. The voice of the flesh. Satan speak loud and clear. Yeah, you can hear it here. You know, somebody told Jairus, don't bother the master any longer. Your daughter is dead. Back to Mark 5, please. Yeah. Wieder zurück zu Markus 5, weil wenn du von dem, also die Dinge, von denen du dich umgibst, deren Stimme wirst du auch hören. Wenn du dich von Religion, von den Lügen des Satans umgeben lässt, dann wirst du auch deren Stimme hören. Und genauso wie wir uns von Christus umgeben lassen, werden wir auch seine Stimme immer wieder hören, überall erkennen. Donc ça dépend toujours de ton entourage. De quoi est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es entouré de la vérité? La parole de l'Éternel, parce que c'est là que tu seras aussi un de ses brebis et tu vas écouter sa voix. Mais si tu es entouré de la religion, ou bien de la chair, ou bien de n'importe des vœux charnels, c'est aussi ces voix-là qui vont te parler et que tu vas aussi écouter. Et écouter. On va lire Marcus 5, Mark 5 verset 36 maintenant. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. You can see another voice. Ihr seht eine andere Stimme. Donc en verset 35, on avait écouté, il y avait une voix qui disait à cet homme, ta fille elle est morte, ça vaut pas la peine à parler avec l'Éternel. Mais dans le verset 36, sauf pour ça, maman, te dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Donc c'est aussi la voix de l'Éternel, c'est aussi une autre voix qui venait aussi. Donc deux voix différentes qui disent le contraire. Praise the Lord. As soon as Jesus heard the word that was spoken, it's not only Jairus that heard it. Sondern der Herr hat auch die Stimmen, die zu dir kommen. Donc ici aussi on voit une autre chose qui est aussi remarquable ici, que c'est pas seulement le chef de la synagogue qui avait écouté la voix des doutes qui disaient que ta fille est morte. C'est aussi l'Éternel Jésus-Christ a aussi écouté ça. Donc ça veut dire que nous aussi, quand il y a des choses qui nous parlent, l'Éternel il écoute aussi ces voix-là. The Holy Spirit hears any voice that comes to you. And one of your commission, one of his job is that obey the voice of Christ alone. Mm-hmm. Mm-hmm. Der Heilige Geist hört jede Stimme, die zu dir kommt. Und seine Aufgabe ist, dich darauf hinzuweisen, der Stimme des Herrn allein zu gehorchen. Mm-hmm. En fait, Jésus-Christ, par exemple, Jésus-Christ, par exemple, il écoute aussi les voix des histoires qui te parlent. Et le Saint-Esprit, par exemple, un de ses travaux est de te faire rappeler que tu dois vraiment être concentré à l'Éternel et pas à la voix de la chair. Praise the Lord. Alléluia. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. Only believe. That is a voice, heavenly voice. Du dois keine Angst haben, sondern glaub einfach nur. Donc l'Éternel te dit ne crains pas, tu dois seulement croire. Amen. The voice that will tell you don't see them, see me. Die Stimme, die dir sagt, schau nicht auf sie, schau auf mich allein. C'est la voix qui te dit ne regarde pas vers eux, regarde seulement vers moi. The voice that will tell you stop looking at them, stop seeing what they have, see me alone. Die Stimme sagt, hör auf das zu schauen, was sie haben, schau auf mich allein. Amen. C'est la voix qui te dit arrête de voir et de considérer ce que autres personnes ont. Considère que tu as Jésus-Christ en toi. The voice that will tell you stop counting their blessings. Die Stimme sagt, hör auf, ihren Segen aufzuzählen und tabellarisch darzustellen, weil du immer wieder darüber nachdenken musst, was sie haben und was du eben nicht hast. C'est aussi la voix qui te dit arrête de compter ce que les autres personnes ont et ce que toi tu que c'est qui te manque. Regarde seulement vers moi, parce que moi je suis ton tout. Amen. The voice that will tell you, you are there for Christ. You know how long you have been there for Christ. Are you getting it? You know how long you have been there for Christ. Even now you are there for, you know, just money can even help you to do this, can even help you to do this. It can also help you to buy debts. Und auch diese Stimme, die dann versucht, dir dein Leben mit Christus schlecht zu machen, dem es sagt, ja, guck mal, das ganze Geld, was du gegeben hast, damit hättest du schon Häuser bauen können oder guck mal, die Zeit, die du hier schon vergeudet hast, damit hättest du arbeiten können, aber diese Zeit, dieses Geld hätte dir auch den Tod einkaufen können. En fait, il y a aussi cette voix qui te dit que tu vois, tu donnes seulement à l'église, tu donnes de l'argent à l'église, combien de fois tu donnes à l'église. Et tu pouvais même acheter une voiture avec cet argent que tu as tout contribué à l'église. Mais c'est aussi, tu dois aussi savoir qu'avec cet argent-là que tu as contribué à l'église, si tu ne donnais pas à l'église, tu pouvais même acheter la mort. Parce que cette voiture-là, ça pouvait même te causer un accident à mourir. Donc, tu n'es pas sous la protection. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, the voice that will tell you, you know, that money you can even go to Mallorca. I'm going to enjoy it. Amen. Amen. Die Stimme, praise the Lord. Die Stimme sagt, mit diesem Geld hättest du nach Mallorca fliegen können. C'est aussi la voix qui te dit, mais avec... Or buy a car. Oder ein Auto kaufen können. C'est avec c'est aussi la voix qui te dit, cet argent-là de la contribution de l'église. Tu pouvais même acheter, partir en vacances à Mallorca ou d'azo. Amen. Mallorca. Or have your Führerschein. Oder damit hättest du schon dreimal einen Führerschein haben können. Ja, tu pouvais même faire ton permis de conduire. You can also, you know, people travel and they never return. Leute verreisen, kommen nie zurück. Parce qu'il y a aussi des gens, on doit savoir qu'il y a des gens qui font des vacances et ils rentrent jamais à la maison. And if they don't have money to travel, they complain. Kein Geld haben zu verreisen, dann ärgern sie sich, obwohl sie nicht wissen, dass der Herr sie davor bewahrt. Et quelquefois, quand ils n'ont pas de l'argent pour faire des vacances, ils sont en train de vraiment se plaindre, hein, on n'a pas de l'argent, mais sans savoir que c'est l'Éternel qui est en train de te protéger parce que tu allais prendre cet avion, ça allait même crouler, par exemple. Par exemple, you are sick, you are too. Zum Beispiel, du bist krank und zu Hause. No, children are sick, they are too. Sie sind krank und dann They cannot go to school. And on that very day, there is a mockläufer. That took on that is, you know, just keep people. And that child might even be one of them. You know, the Lord, there's no one, you know, sometimes when I think of this, all these things, I just thank the Lord for everything. No matter where you are, say praise the Lord. Egal wo wir sind, wir sollen den Herrn danken, weil auch beispielsweise, wenn ein Kind beispielsweise krank ist an einem Tag und nicht zur Schule gehen kann und auf einmal ist es genau der Tag, an dem in der Schule ein Amoklauf ist, ne? Da wird auch hier sagen, Gott sei Dank ist die Person nicht zur Schule gegangen und war zu Hause. Ne? Und genauso sollen wir einfach den Herrn danken, dass egal wo wir sind oder wo wir nicht sind, praise the Lord. Par exemple, il y a aussi quelquefois on se dit, ah non, ton enfant, il y a déjà une semaine, cet enfant est toujours malade, mais peut-être c'est aussi à travers cette maladie-là que l'Éternel est en train de protéger, parce que tu peux laisser ta fille partir à l'église, à l'école, par exemple, et à l'école, ce jour-là, il y a comment on appelle, les gens-là qui sont dépassés pour tuer les enfants à l'école, quelque chose comme ça. Donc, oui, vous pouvez avoir un accident ou des histoires comme ça. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, I heard a story of, it's my brother that told that said it to me, that two of them have a young man that was, you know, have a lot of money to have with some food ration, and within some months he just have it, bought car, and that man died of accident as he was driving. Imagine there was no, if that money was, he would be blessing the house of Christ with that money. I don't know. Are you getting it? He protects us. He always protects us in different ways. Yeah. Allow him to be your protection. Whatever, you know, we will go there. He does not keep any good thing away from his children. Amen. You must know that. Der Herr schützt uns auf übernatürliche Art und Weise. Ne? Und auch ein welcher wurde von mir, hatte mir auch mal erklärt, dass in dem Jahr, wo er seinen Führerschein machen wollte, er leider nicht bestanden hat, aber ein guter Freund von ihm bestanden hatte, aber dann kurz nachdem dieser Freund bestanden hat, dann einen Autounfall hatte und dann verstorben ist. Ne? Und das sind auch Situationen, die uns einfach zeigen, dass wir halt als Kinder Gottes in jeglicher Situation einfach dem Herrn danken sollen, weil seine Zeit die beste Zeit ist. Ne? En fait, on doit savoir que, par exemple, mon frère m'avait dit une fois qu'il n'avait pas de l'argent à faire le permis de conduite, mais un ami à lui avait cet argent et il a fait ça aussi, il a fait le permis. Et après quelques semaines, il est mort parce qu'il a réussi. Et puis il a eu un accident et puis il est mort. Donc, lui, si par exemple, cet homme aussi bénissait à l'église, donnait son argent aussi à l'église, par exemple, il allait aussi être aussi, peut-être protégé de tous ses biens-là, ou bien son frère aussi pouvait aussi mourir déjà de cet accident si lui il valorisait, par exemple, le permis plus qu'être là pour l'Éternel en fait. Praise the Lord. Stop listening to the opposite voice. Hör auf, der Gegenstimme zuzuhören. Arrête à écouter, à entendre la voix de l'adversaire. Jesus said, choose to believe me alone. Jesus sagt, entscheide dich nur mir zu glauben. Jésus-Christ dit que tu dois décider à seulement m'obéir. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Genesis 3, please. 1 Mose 3. Genèse 3. You know, in verse 18 says he gave us the herbs. In Vers 18 steht, dass uns sogar die Pflanzen gegeben hat. Verset 3, il dit qu'il nous a même donné des l'herbe, ou bien comment on appelle. Uns körperlich zu helfen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, he said tongues also and test too. Shall he des bring plantes. Forth? Il nous a donné des to plantes. These. Oui, sorry, maman. Johannes 3, non? Genèse 3. Ah, pardon. Genèse 3, 18, en fait. Verset 18, please. Tongues also and test you shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. You know, from the beginning, he said we should eat the herbs of the field. He said he gave the herbs of the field to us. Von Anfang an hat er uns ja eigentlich die Gewächse des Feldes geschenkt zu essen. Donc on voit vraiment ici que dès le commencement, il a dit que puisque tu as écouté à la voix que dès le commencement, il nous donne aussi les plantes pour aussi se nourrir, pour notre santé aussi. That's been his gift. Das war sein Geschenk. C'était son cadeau en fait. Amen. Amen. Remember Romans 11 verse 29. Please. Römer 11 Vers 29. Si tu te rappelles de Romains 9, 29. Go there, please. He said the gift and the calling of the Lord is without repentance. There's something I want to bring out here. Put something here and go to Romans. 11:9. Romans 11, verse 29. On va lire Romains 11, verset 29. Praise the Lord. Romans 11, verse 29. Please be there. Please look at the Bible also. Soyez vraiment attentifs. C'est vraiment important. Amen. Ici. Amen. This is our spiritual food. Amen. Amen. This is our food. The true food, the real food. This is better than ice cream. Das ist besser als ice cream. Ça, c'est vraiment mieux que de la glace, c'est qu'on va être okay, ici. Okay, okay. All right. What do you eat? Dodo. No. Is it not okay? Kwanga. Praise the Lord. This is better than Kwanga. Amen. Elle dit que ça c'est ce qu'on va écouter. C'est mieux que la chikwanga ici. Praise the Lord. Amen. Be used to Christ Jesus. Wir sollen uns an Christ, wir sollten uns an Christus Jesus gewöhnen. On doit vraiment s'habituer au Christ. Amen. Be used to Christ Jesus. Gewöhnt euch an Christus Jesus und verbringt Zeit mit ihm. On doit vraiment vouloir prendre notre, avoir notre temps avec les Amen. 29. Vers 29. Who will help us to read? Darf I post to read? For the gift and calling of God are without repentance. Praise the Lord. Car Dieu, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Praise the Lord. Amen. Amen. If even you are not faithful, he is faithful. Auch wenn er nicht treu ist, auch wenn du nicht treu bist, ist er treuer Mensch. Même si toi tu n'es pas fidèle, mais l'Éternel il est fidèle. His gift is without repentance. Seine Gabe ist ohne Reue. In Genesis 3:18 talks about he gave us his herbs. He did not take it from Adam. It's still there for him. Mm. You see that? Er hat ihm die Kräuter, die Gewächse des Feldes, genau. Die Gewächse des Feldes hat er ihn nicht weggenommen. Er hat nicht gesagt, ab jetzt isst du Steine. Er hat nur gesagt, dass du wirst weiterhin das essen, aber halt mit Mühe wirst du es essen. Donc on voit ici que Dieu, il nous enlève pas, il nous arrache pas les dents qu'il nous a donné. Et tu vois ça aussi avec l'exemple de Adam et Ève. Malgré Adam avait désobéi, il lui a maudit, mais il a laissé avec toutes les plantes, l'herbe qu'il lui avait déjà donné. Il l'a laissé. Once he gives you things, he never takes it back. Wenn er dir Dinge gibt, nimmt er das nicht zurück. Amen. Quand il te donne quelque chose, il ne le reprend pas. That does not mean those things are not causes. They turn to causes. They turn to problems, but they are still with you. Und das heißt aber nicht, dass diese Dinge. It's like giving you children. Those children will become a thorns in your flesh. Das heißt nicht, dass diese Dinge nicht zu Flüchen werden können. Aber sind immer noch beide, genauso wie die Kinder. Diese Kinder können vom Herrn gekommen sein, aber weil du sie dem Herrn nicht übergeben hast, werden sie zu Flüchen. Das signifie que il peut te donner quelque chose, mais ces histoires-là peuvent toujours devenir des malédictions dans ta vie, mais il va pas le retirer. Par exemple, des enfants. Quand il te donne des enfants et que toi tu n'as pas soumis ces enfants-là à l'Éternel, ces enfants-là peuvent devenir aussi des malédictions pour toi parce qu'ils vont se retourner contre toi, ce sera un peu problématique avec ces enfants. Jusqu'à ce que tu vas vraiment les soumettre à l'Éternel. Et c'est pour cela, pour vous faire voir qu'il ne retire jamais quelque chose, mais c'est à vous de gérer les choses. Train the children in Christ Jesus. Train your grandchildren in Christ Jesus. Erziehe deine Kinder. If not, you are sowing the seed that you are going to reap. You will not want to see it. Because if Christ is not the one you train them with, Satan will help you to train them. Übergebe deine Kinder Jesus Christus, erziehe sie in Jesus Christus, weil wenn wir sie nicht erziehen, wird der Teufel uns helfen, sie zu erziehen. C'est pour cela, c'est important que vous puissiez faire grandir vos enfants ou bien vos petits-enfants avec la vérité de Jésus-Christ, parce que sinon, vous allez semer un grain qui n'est pas de l'Éternel, qui à la fin, vous allez le récolter et vous ne serez pas... Ça va pas vous plaire, ce qui va arriver après. Allow your children to be used to Christ more than they are used to you. Lass zu, dass deine Kinder sich sehr stark an Christus gewöhnen, sogar mehr als dass sie an dich gewöhnt sind. Tu dois vouloir que tes enfants soient vraiment enracinés ou habitués à l'Éternel Jésus-Christ lui-même plus que être habitué à toi-même. Allow your grandchildren to know that it is all about Christ Jesus. Lass zu, dass deine Enkel wissen, dass es dir nur um Jesus Christus geht. Tu dois vouloir que tes petits enfants puissent savoir que Jésus-Christ est la meilleure chose qu'ils peuvent avoir dans leur vie, plus que t'avoir toi par exemple comme mère ou bien comme grand-mère. But you yourself, you have to know that it's all about Christ Jesus for you before you can even give it to them. Aber du selbst musst ja auch erstmal wissen, dass es nur um Jesus Christus geht, bevor du ihnen das weitergeben kannst. Mais pour être capable à donner cette sagesse à tes petits-enfants ou bien à tes enfants, toi-même aussi tu dois être capable à savoir que Jésus-Christ est vraiment le tout pour toi. Whatever you are going to give to people, is either life or death. Was immer du Leuten weitergibst, ist entweder Leben oder Tod. Parce que n'importe quelle chose que tu vas donner à n'importe quelle personne, ça sera toujours ou c'est la vie ou c'est la mort. Two powers control the earth. Zwei Mächte kontrollieren diese Erde. Parce qu'il y a que deux puissances, deux principautés qui contrôlent ce monde. Christus oder der Satan. C'est le Christ ou c'est le diable. If you say no to Christ, it's automatic yes to Satan. Wenn du Nein sagst zu Christus, sagst du ja zum Satan. Si tu dis non au Christ, c'est automatiquement oui au diable. There's nothing like I don't know Christ, I don't want fully, but the other, no. Once you say no to Christ Jesus, is yes to Satan. Du kannst dich nicht vollkommen von beiden Mächten fernhalten, sagen, ich bin ganz neutral in der Mitte, ich glaube an nichts und ich bin von nichts geleitet. Doch irgendetwas wird dich leiten, entweder der Herr oder der Satan. Tu ne peux pas dire comme oui, je crois à Jésus-Christ ou bien je crois pas à Jésus-Christ, mais je ne dis pas que j'ai le diable, oui, mais il y aura seulement une chose qui va te diriger, ou c'est le Christ ou c'est le diable, et c'est à toi à choisir. His gift is without repentance. Seine Gabe ist ohne Rückkehr. Parce que les dons de l'Éternel, c'est vraiment sans repentance. Ah, he gave Lucifer. Lucifer still have them today. Das sehen wir auch beim Engel Lucifer, der jetzt zu Satan geworden ist, dass all diese Gaben, all diese Macht, die er hatte, die hat der Herr eben nicht vollkommen weggenommen, sondern sie ist jetzt verdreht worden. On le voit aussi avec Lucifer. Tout ce que l'Éternel a donné à Lucifer, il a toujours ces dons-là encore. On va le lire à Ézéchiel.